J'arrive pas à le jouer. Parti Cédric, j'espère que je l'ai pas. Il est parti sans laisser d'adresse. Cédric, Cédric, pourquoi t'es parti? Cédric, pourquoi t'es parti comme ça? Ah, attention. Bonjour les studios nourris. On est en pleine séance d'enregistrement là, avec un spécialiste de l'orgue, Charlie Oleg.